aller vers le sud en été. Vers la Provence et ses jours de soleil. Mais une fois là-bas, nous n'avons pas vu un chat. Tous les gens avaient disparu. Parti pour la mer, toi et moi, en n'ayant que le soleil sur les bras. Et sur le sable chaud, on dormait les pieds dans l'eau, pas un oiseau à l'horizon, pas un poisson pour nous donner raison. On était seuls à Saint-Tropez à danser, danser sur le quai. On était seuls à Saint-Tropez à danser tout l'été. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De ville en ville on est allé ainsi, et c'était comme une étrange féerie. Il n'y avait que nous dans tout le sud au mois d'août, en regardant autour de moi.